Vas-y, mais pas là, vas-y, se pose, mec, calme, calme, calme. Oh, les gars, pose tout sur la table, vas-y. Non, ce qu'on a là, si, si. Oh, les gars, c'était chaud, hein, mais on a réussi à s'en sortir quand même. On est là, on est là, on est calme, on est calme, on est calme. Alors, faut comment? Moi, je sais pas à quoi tu penses, mec. La nuit, elle est longue, quoi. On se pose un coup, quoi. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, il faut rester spread, mec. On prend tout ce qu'on a, on le cache bien. On reste intouchable. On cache ça dans le salon. Ouais, mec, on cache ça dans le coffre-fort, au calme. Et dès que les autres y sortent, vendredi le 7, on divise les parts. Parfait. Également. Et on se casse sur les îles, on va se mettre jusqu'à bien. Jusqu'à là, mec, faut qu'on soit intouchable. Lourd, vas-y. Dani, ¿qué pasó, papá? Mira, estos panas como que sí coronaron por allá y que se venían para Venezuela. ¿Tú crees que lo dejaron pasar? Claro que sí, Malil. Seguro pronto nos avisen que ya están en zona Caribe, bro. Tranquilo, mano. Cualquier cosa me avisas tú también, negro. Se va a fuego. ¡Pones todo en la tête! ¡Les mains sur la tête!